clair, obscur. Les musiques sont sur Rage. Bonsoir à tous et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Vous êtes bien sur le 90.3, le 102.5 ou le www.rage.fr et c'est avec Stéphane et Nathalie que vous concluez la soirée rock après 33 tours minutes, après Tapage Nocturne, après Underground Zero. C'est avec Clair Obscur et ses musiques dark, comme tous les mercredis soirs, que vous concluez la soirée rock sur Rage, sur votre station préférée, du côté du Vaucluse, du Languedoc-Roussillon ou des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Et on a commencé cette émission avec un extrait d'un CD qui est paru il y a très très peu de temps, une association de Montpellier qui a édité un CD avec des groupes assez intéressants de la région. Et là, on a ouvert ça avec un des groupes qui se trouve sur cette compilation, justement, Les Garçons Coiffeurs, un groupe Cold Wave de Nice, avec le morceau Séquel, histoire de nous mettre en jambe pour cette émission. Et l'association SAD, justement, a publié cette compilation qui s'appelle Societas Draconistra Rum. Alors, un nom un petit peu difficile à prononcer, mais les groupes qui se trouvent sur la compilation en question sont assez abordables, rassurez-vous, et tout aussi passionnants. D'ailleurs, on vous en touchera deux mots en fin d'émission, puisqu'il y a un concert associé à la sortie de cette compilation par l'association SAD qui renaît de ses cendres à Montpellier. Comment te sens-tu après cette émission anniversaire de la semaine dernière, Nathalie? Je vais reprendre le titre du premier morceau de la soirée, hein. Ne je n'ai pas de séquelles, hein, justement. Donc j'espère que toi aussi, tu t'en es bien remis malgré notre grand âge. J'espère aussi que vous n'avez pas trouvé l'émission trop, entre guillemets, bordélique, hein. Même si je dis un gros mot, c'est pas bien, mais n'empêche que ça nous a fait très plaisir de vous avoir avec nous ce soir-là. Voilà, c'était énorme, ceux qui sont passés sur la chatbox, qui nous ont écoutés, qui sont venus. J'espère que voilà, même si vous nous avez juste écoutés sur les podcasts, on dirait que vous avez passé un aussi bon moment que nous. On espère qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres anniversaires comme ça. Et en attendant, ce soir, c'est une émission spéciale, encore une. décidément, on n'arrête pas. Effectivement, une émission un petit peu particulière puisqu'on va faire une rétrospective sur un groupe, chose que l'on ne fait pas très souvent. Et ce soir, c'est sur le groupe français Lives de Quai qu'on va on va s'intéresser, pardon. Et je vous propose, plutôt que de longs palabres, de se faire une idée du groupe en question avec un morceau sans doute les plus représentatifs du groupe en question, Lives de Quai, ce soir dans Cœur Obscur. Et on commence avec le morceau Cavalerie. Vous êtes bien de retour avec nous dans Clair Obscur, et ce soir c'est un Clair Obscur un petit peu particulier puisqu'on va le consacrer à un groupe qu'on aime bien, Lives de Quai, ce soir donc avec une petite rétrospective sur leur œuvre. Et on a commencé avec un des morceaux qui à mon sens semble le plus emblématique de leur œuvre en règle générale, mais vous verrez qu'avec le temps elle a beaucoup évolué, elle a pris différentes facettes. Et on vient d'écouter le morceau Cavalerie qui était extrait de leur album de 2008, Éclat Acéra. C'est avec cet album que pour ma part je les ai découverts. Alors je vous avoue, pourquoi faire une rétrospective sur Lives de Quai? Déjà parce que c'est un groupe intéressant, un groupe français intéressant, c'est déjà un argument en soi. Mais aussi, je dois vous l'avouer, parce que c'est un groupe que j'ai envie de vous diffuser sur Rage depuis 2 ans. Et avec les différents titres qu'ils proposent en téléchargement légal sur leur site internet, il y en a tellement de bien que j'aime finalement, que je n'ai jamais été foutu de me décider sur un titre en particulier à vous diffuser, tant soit dans l'Indie Box, soit dans Clair Obscur. Donc je me suis dit que faire une rétrospective dessus, finalement, c'était le meilleur moyen d'arriver à me décider, parce que l'embarras du choix était assez embarrassant, comme son nom l'indique. Moi, j'ai découvert ce groupe donc en 2008, début 2008, alors qu'il s'apprêtait à sortir cet album Éclat Acera, un album au nom un peu bizarre. Et toi, Nathalie, comment t'as découvert moi, ce groupe? Moi, c'est peut-être un peu plus ancien pour une fois, hein. C'est moi la vieille. Et je les avais découverts, moi, complètement par hasard, sur une compile que m'avait fait un ami qui avait envie de me faire découvrir des trucs. Je les avais découverts avec l'album Lycélien en 2006. Donc ça remonte un peu plus, mais ça avait été un coup de cœur. Alors j'avais ça qui traînait sur mes playlists en aléatoire, jusqu'au jour où je me suis dit mais c'est sympa, ça sonne bien, on va chercher un peu, encore en savoir un peu plus. Et c'est vrai que, comme le disait un petit peu Stéphane un peu plus tôt, c'est un groupe qui a quand même l'extrême gentillesse dans sa démarche artistique de mettre énormément de choses en téléchargement légalement et de bonne qualité. Donc ça permet de découvrir ce groupe et son univers de manière très très sympathique. Un site internet d'ailleurs qui est très bien fait. On vous donnera un petit peu plus de détails plus tard. Pour le moment, on va se pencher un peu sur la question que ne manque pas de se poser certains auditeurs qui connaissent pas forcément ce groupe-là. Lives de Kay, de qui s'agit-il, tout simplement? Eh bien, ce sont deux personnes, un duo composé de Licht Vast. Ce garçon a un nom imprononçable, décidément, mais sa collègue plus indulgente, sa complice, a un nom un petit peu plus facile, puisqu'elle s'appelle Aléa. Et elle l'a rejoint en 2005 dans ce projet musical qui se définit dark ambiante, pop expérimental, néoclassique. Vous voyez donc une palette assez large qui, a priori, semble incohérente. Et pourtant, l'univers, il ne faut pas s'y tromper, puisque l'univers de Lives de Kay est riche et trouve une cohérence depuis le début, alors qu'ils sont, avec une régularité métronomique, ils nous sortent un album par an depuis 2003. Ouais, 2003-2004, ouais. Leur premier mini-CD donc était sorti en 2003 et il avait eu un accueil assez réservé d'ailleurs. Et leur premier album digne de ce nom, qui reprenait notamment les titres de ce mini-CD, est sorti en 2004, me semble-t-il. C'était l'album Art Decay Extremism. C'est ça. Et alors, on vient d'écouter un morceau assez accessible, entre guillemets, dans le sens où il est agréable à écouter, il ne torture pas les oreilles. Ça n'a pas toujours été le cas des productions de ce groupe-là, loin s'en faut, puisque les inspirations primitives du groupe, les premières sources d'inspiration venaient plutôt du black metal, à l'époque où Licht Vast était seul, du black metal, de l'indus vraiment très expérimental, avec des sons, des percussions martiales assez marquées, limite même envahissante, et c'était le cas sur ses premiers albums. On n'en sortait pas indemne, hein, ça, c'est quelque chose, l'album en entier, je sais pas si t'as déjà essayé de l'écouter. Je t'avoue que non, mais c'est un peu dur. C'est un peu comme ce que dit Lino Ventura dans un de ses vieux films, c'est du brutal. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te propose de nous en faire une idée avec un extrait de leur premier album, justement, Art Decay Extremism, et un morceau qu'on retrouve, un titre que l'on retrouve sur les écrans solaires... Les cadrans solaires. Je citerai pas de marque, mais je me suis un petit peu trompé. Les cadrans solaires, bien sûr. Alors, vous pensez à Ultima Forsan, la dernière peut-être. Et là, il s'agit en l'occurrence de « Chaque heure te blesse, mais la dernière te tue. Omnes vulnérante, Ultima necat. » Chers amis, pardonnez-nous, mais que ce soit moi ou Nathalie, on ne sait pas si c'est l'abus de chocolat qui précède la période de Noël ou si c'est le froid qui s'est abattu sur nous depuis quelques temps, mais on a un petit peu de mal à articuler, d'où ce début d'émission un petit peu chaotique. Ça doit être les papillotes, hein. Moi je dis ça coince les dents. Voilà, ouais, on a du... on a les gencives un peu engluées, alors on a du mal à s'exprimer, décidément. On remerciera quand même Terz pour son cadeau empoisonné, parce que moi je vais encore prendre des fesses après, hein. C'est pas gentil, ça. Et moi du bide, chacun son côté, camarade. Chacun sa croix. Écoutez, hein, si vous êtes de l'autre côté de votre poste de radio, attendez les fêtes pour vous gaver. Et n'oubliez pas que la gourmandise est un vilain défaut. Mais par contre, écouter de la musique est une qualité dont on ne vous remerciera jamais assez. Et en l'occurrence, à l'instant, c'était un morceau des débuts de Live Decay, Omnes Vulnerant Ultima Necat, un extrait de leur premier album, Art Decay. Du premier album du projet, veux-je dire Art Decay Extremism. Et comme vous avez pu l'entendre, c'était quand même des ambiances assez glauques, hein, pour ne pas dire assez sombres, qui illustrent un petit peu. C'était plus des illustrations sonores que des chansons, que des titres un peu plus pop, comme ce sera le cas un peu plus tard. C'est du black metal dépressif, hein, comme on avait déjà dit une fois. Un petit côté black metal dépressif. On s'est fait taper sur les doigts d'ailleurs pour avoir vilain pléonasme. Pour avoir dit que c'était un pléonasme, black metal dépressif. Mais tu ne crois pas si bien dire, puisque Live Decay, à l'époque du mini CD sorti en 2003, Human Art Decay First Suicide. D'ailleurs, l'expression First Suicide était plutôt bien trouvée, puisque ça aurait très bien pu être un suicide artistique, dans la mesure où les chroniques sur ce mini CD à l'époque, mini CD de 3 titres, ont été assez dures. À juste titre ou non, je ne sais pas, mais toujours est-il que les chroniqueurs de certains sites web avaient la dent dure sur ce pauvre Lichtvast, qui a quand même, c'était sans compter sa persévérance, puisque l'année d'après, il sortait un premier album digne de ce nom, et on retrouvait quand même ces ambiances-là influencées par le black metal. Et pour l'anecdote, certains des titres de ce premier mini-CD, Human Art Decay, sont sortis sur une compilation de groupes black metal d'un label dont j'ai oublié le nom, et c'était le seul Live Decay, pour le coup, était le seul groupe qui n'était pas purement black metal. Mais les ambiances s'en rapprochaient, tu vois, donc la comparaison est tout à fait appropriée. Néanmoins, à partir de là, ils ont su évoluer, et en 2004, puis un premier album, en 2005, album Enleva, avec l'arrivée de la chanteuse que vous avez pu entendre tout à l'heure, Aléa. Et là, on sent... mis un petit côté de douceur quand même, et de féminité, de petites perles. Moi, j'aime beaucoup les paroles. Je sais qu'elle est parolière sur ce groupe, et c'est vraiment le plus que moi j'apprécie sur ce groupe, c'est les mots coulés un petit peu métaphysiques. Enfin moi ça résonne chez moi comme ça. Je sais pas toi, c'est peut-être personnel, mais sur ce groupe c'est vraiment ça. C'est pas évident comme parole, et voilà, moi c'est ce petit coup de cœur, c'était surtout ça. Alors j'aime bien ton intervention parce qu'elle soulève. Le fait que ce soit toi qui dis ça, je me demande si tu interviens pas pour dire ça en sous-entendant que tu as apporté un peu de douceur dans Clair Obscur. Mais non, j'avais pas pensé, mais tu me flattes si tu le penses. Non, c'était inconscient, j'en suis mais sûr. Mais non, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que moi, c'était le point qui me ça m'émeut. Voilà, c'est émeut. Hein. Ça me plaît beaucoup ce genre de choses. Non, mais je suis assez d'accord avec toi, et c'est un sentiment qui est partagé en préparant cette émission sur certains forums. J'ai vu beaucoup de filles qui avaient le même sentiment que toi. Elles étaient particulièrement touchées par la douceur de la voix. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont comparé, que ce soit, je sais pas si elle, Aléa, le prendrait comme un compliment, mais qui ont comparé sa voix à celle d'Emily Simon, par exemple. Moi, je trouve ça assez... De ma part, ce serait flatteur, après. Hein, mais dans la tessiture des voix, il y a quelque chose d'assez similaire. Et donc, c'est vrai qu'elle apporte une douceur qui était assez inattendue dans ce projet, qui au départ ne l'était pas du tout. Et donc elle arrivait en 2005 sur l'album Enleva avec le morceau Sensitive. C'est un morceau que tu nous as ramené. Oui, pourquoi justement celui-là en particulier? Alors celui-là en particulier, bon, il a une histoire un peu, moi, qui m'est personnelle, vu que c'est un ami qui me l'avait fait découvrir aussi, qui est très fan. Mais il y a une, enfin je sais pas, moi ça m'évoque plein de choses. C'est le genre de morceau où j'ai envie de me le mettre sur les oreilles avec un casque, dans le noir une bougie. Alors c'est très ambiance goth. Ouais, c'est un petit peu caricatural, mais j'aime beaucoup ce type d'ambiance où justement, mais quand ça va pas bien, ce genre de choses, ça permet de faire le point. C'est un morceau pour moi, voilà, qui m'a permis d'avancer dans la vie, de faire le point sur ma vie. Donc, il m'est précieux pour ça. Eh bien, on va écouter ce premier morceau que tu nous amènes, ce premier morceau que tu as sélectionné pour nous, pour illustrer l'œuvre de Life Decay, Sensitive, un extrait de l'album Unleva. Sensitive, un extrait de l'album Enleva qui était sorti en 2005 et c'était le premier album sur lequel apparaissait Aléa, chanteuse du groupe Life Decay, groupe qui littéralement veut dire corruption, décadence de la vie, donc des ambiances assez enjouées hein, comme on peut l'imaginer, mais festif. Voilà, et qui correspondait bien à l'état d'esprit du projet à ses débuts. Et on peut parler du contexte aussi un petit peu particulier dans lequel s'exerce la production de Life Decay, à savoir que ils contrôlent leur démarche artistique et la production de leur musique de A à Z. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sortent un album par an depuis 2003. C'est quand même une cadence assez importante et ce qui demande un travail tout aussi considérable, d'autant plus qu'ils font toute la promotion eux-mêmes, au point qu'ils ont créé leur propre label, Abstractsense.com. sur lequel ils vendent leurs CD et avec lequel ils produisent les visuels du groupe d'ailleurs, qui sont très importants, on en reparlera tout à l'heure. Et toute leur démarche artistique tient aussi à cette indépendance de fait à laquelle ils se sont attelés et qui demande sans doute un effort déjà financier considérable, mais aussi un effort humain sans doute assez conséquent. Pour de bonnes et de mauvaises raisons, parce que je veux dire par là que les bonnes raisons, c'est l'indépendance artistique. S'ils étaient sur un label, ce serait peut-être un peu plus compliqué pour eux. Mais aussi de mauvaises raisons, parce que Litvast, à mon avis, reconnaît de bonne volonté lui-même dans certaines interviews qu'il est assez tatillon sur la production des CD, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est quand même très important pour lui. Mais il reconnaît quand même qu'il est un petit peu les Américains disent control freak, oui, un monstre du contrôle, un maniaque du contrôle, ouais. Un maniaque du contrôle. Donc il le reconnaît de bonne grâce qu'il est aussi très très attaché à tous les aspects de sa production. Et on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Moi, je suis assez d'accord sur la démarche. Puisque un label peut pas forcément te donner ce que tu veux, bah tu le crées. Si t'as les tripes pour le faire et la passion pour le faire, je trouve que c'est une chose magnifique. Moi, je salue l'idée parce que faut vraiment le faire. Hein. Non, mais je dis ça avec malice, évidemment, mais parce qu'il y avait lieu de le dire. Mais tu as raison, c'est un effort tellement conséquent que de toute façon, on est obligé de et depuis autant d'années, on est obligé de saluer la démarche. D'autant plus que ça ne l'est réussi finalement pas trop mal, à croire les CD qui nous sortent depuis autant de temps. Et c'est un groupe qui a connu une évolution. Alors déjà sur les deux morceaux qu'on vient d'écouter, vous pouvez en avoir un peu conscience. Une évolution à partir d'ambiance vraiment, on va dire le terme glauque, sombre, lié à cette influence du black metal notamment. Alors sur sa premier album Art Decay Extremism, il y avait des morceaux au nom comme Mental Extermination, Krieg ou alors Désespoir Suicidaire, donc pour vous donner un petit peu une idée des ambiances que du bonheur quoi enjouées qu'on pouvait retrouver sur cet album. Et les noms eux-mêmes ont évolué d'album en album. Oui, parce que c'est vrai que quand on voit déjà avec le nom le morceau de tout à l'heure, Sensitive, déjà c'est quand même un petit côté délicat. Même le morceau à venir avec Gloria, qui n'a rien de négatif, ce qu'on va vous passer dans 30 secondes. Et effectivement, et c'est vrai que entre les albums Anleva et l'album dont on va écouter un extrait, Lycelia, qui sortit en 2006, il y a eu une évolution. Ils ont commencé à prendre des libertés au niveau de l'orthographe, et un peu plus tard, ils ont carrément sorti des albums au nom vraiment hermétique et au titre assez intrigant, souvent très très laconique et qui n'ont pas de signification propre. On en reparlera un petit peu mieux tout à l'heure, vous allez voir de quoi on parle précisément, mais pour le moment je me contenterai de conclure là-dessus, à savoir que c'est un groupe qui, comme un autre groupe qui me tient à cœur, que je vous ai déjà passé plusieurs fois dans Clair Obscur, Dernière Volonté, le projet musical de Geoff Froidet, qui est parti d'ambiance dark ambiante à la fin des années 90, vraiment très très très difficile, très dur, très froide, et qui a peu à peu développé un style bien propre, assez personnel, qu'il définit comme de la pop martiale. Et bien Life de Kay, dans un style un petit peu différent, est parti d'ambiance très sombre, issue du black metal avec une indus assez expérimentale, vers quelque chose d'un peu plus pop, et cela sans pour autant se trahir, puisque ça reste un univers très très personnel. Et on va en avoir un autre exemple avec un morceau que tu nous as ramené. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le morceau Gloria. Eh bien écoute, c'est parti. We'll be right back. l'instant, dans vos oreilles, c'était le morceau Espoir de l'album Lycélia, sorti en 2006. Et juste avant, issu aussi de ce même album, le morceau Gloria. Comme on vous disait, Live de Quai fait aussi dans le côté espoir, justement, comme le veut si bien le titre. Ils ont peut-être un peu quitté leur côté black metal dépressif pour arriver sur une petite note d'espoir sans casser leur univers. C'est ça qui est beau. Et nous, on a l'espoir que vous soyez nombreux à nous écouter malgré l'heure tardive. On vous souhaite la bienvenue dans Club Obscur si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes bien sûr Rage. Vous nous écoutez sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône. Et sinon, partout ailleurs dans le reste du monde de la France, vous nous écoutez sur le www.rage.fr. D'ailleurs, vous pouvez y retrouver les liens vers le MySpace, vers le Facebook. Et notamment sur le MySpace, vous pouvez nous rejoindre sur la chatbox sur laquelle vous accueille Nathalie tous les mercredis soirs et ce soir aussi du reste. Et Nathalie, un aspect qui t'a particulièrement plu dans l'œuvre de dans le concept disons de Live Decay, c'est l'aspect graphique notamment. Oui, ce graphisme noir et blanc en aplat assez travaillé, alors qu'eux-mêmes considèrent comme l'univers rétro luxury, donc rien que le titre déjà j'ai trouvé que c'était un concept qui était sympa. Et c'est vrai que ça fait partie complètement de leur univers. On peut pas en le mettre la musique d'une part, le graphisme d'un autre côté, ce côté design, c'est lié, c'est intrinsèque. Et on reparlait justement tout à l'heure aussi du côté très à tout contrôler du monsieur. Il fait tout lui-même, quoi. Il y a vraiment une. Il est graphiste aussi de formation, j'ai cru comprendre. Et il fait les clips, enfin tout est contrôlé, issu de leurs mains. Je pense qu'il y a rien qui ne soit pas validé ou à peu près apprécié. C'est tout ou rien avec eux. Alors pour donner un ordre d'idée des créations graphiques donc de Lichtvast qui s'occupe aussi de l'aspect visuel ainsi que sonore du concept de Live Decay, c'est pas facile de parler de graphisme à la radio, mais je vais essayer quand même en vous donnant quelques références. Certains des dessins peuvent faire penser à des dessins au pochoir, par exemple. Avec ce, il n'y a pas de nuance de gris, tout est en noir et blanc, avec des contrastes plat, très ouais. forts. Et pour faire un mauvais jeu de mots, ce sont les mêmes contrastes qu'on retrouve dans les tableaux de Quentin de la Tour, avec ce clair obscur très très marqué. Sinon, moi, ça peut faire sourire, mais une des premières comparaisons qui m'est venue à l'esprit quand j'ai découvert l'artwork de Live Decay, ça a été un film de Christian Vollmar qui était sorti en 2006, donc 2 ans avant que je découvre le groupe, un film de science-fiction français, un film d'animation très très bien fait qui s'appelait Renaissance, dans lequel aussi il y avait un univers graphique qui rappelait un petit peu les bandes dessinées d'Alan Moore et de David Lloyd, comme From Hell ou V pour Vendetta par exemple. Vous savez, cet univers très noir, illustré par un noir et blanc assez oppressant en bande dessinée. Ce sont des références que je rapproche à tort ou à raison de l'univers de Live Decay pour vous donner un petit ordre d'idée. De toute façon, vous retrouverez des liens pour vous faire une idée vous-même sur le forum de Rage, www.rage.fr, ainsi que sur le Facebook et sur le MySpace, pour que vous puissiez apprécier et le côté graphique et le côté sonore qu'on se fait fort de vous illustrer dans cette émission rétrospective. Et je vais enchaîner justement, ouais. Je vais en rajouter ma petite couche, parce que tu parlais de science-fiction et tu me fais penser justement avec Live Decay à ce mouvement steampunk. Moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se rapproche, qui dégage de chez eux de ce mouvement steampunk, qui est à la base un mouvement littéraire un peu en opposition au cyberpunk. Donc le côté steampunk, bon à la base le terme est une boutade un peu pour se moquer du cyberpunk avec tout le mélange machine, humain, tout le côté cyborg et tout ce qui m'est cher. Et le steampunk, lui, se va être beaucoup plus situé sur l'emploi des machines, mais il y a beaucoup moins de mélange avec le corps humain. C'est la machine qui sert, alors la machine complètement souvent extravagante, des grosses machines à vapeur, un peu issues de la révolution industrielle, mais on n'est pas mélangé à la machine, mais on reste dans ce délire technologique effarant, avec toujours un petit côté rétro, qui est assez sympa. Moi j'aime bien, c'est un mouvement littéraire, visuel, graphique, enfin c'est très très riche, voilà, je vous en parlerai des heures, mais... Un univers de rétro-fiction justement, oui. Ou d'Uchronie pour utiliser un terme compliqué, dont les deux membres de Live Decay ne se revendiquent pas d'ailleurs, mais le rapprochement ne les gêne pas, au contraire. Eux se retrouvent plutôt dans le terme rétro-luxury qui moi ne me convient pas. Je préfère steampunk, que ce soit du côté graphique, donc où là c'est l'aspect est très fort, ou bien dans l'aspect musical, avec toutes ces petites boîtes à musique, ouais. Qui interviennent auprès des percussions martiales, des synthés et des boîtes à rythme. C'est les deux se mélange bien pour donner une idée sonore de cette idée de steampunk. Le côté rétro-luxury, moi je trouve qu'il va très bien avec leur artwork. parce qu'il y a ce côté noir et blanc, BD un peu rétro, avec beaucoup de souvent des dessins de nana ou des choses comme ça. Je trouve que moi, il leur convient bien. Tu vois, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai, mais en préparant l'émission, c'est vrai qu'on était un petit peu en désaccord sur ce point. Moi, Retro Luxury, je peux pas m'empêcher de trouver ça un petit peu pédant. Mais on ne s'est pas tapé dessus. Pas encore, du moins. Ça va venir. De toute façon, comme on aime tous les deux ce groupe-là, on s'est mis d'accord sur une playlist assez intéressante sur laquelle on va revenir. Et notamment avec, après avoir écouté deux extraits de l'album Lysalia qui était sorti en 2006, qui avait, comme vous avez pu l'entendre, des influences qui allait un peu vers le néoclassique sans avoir forcément les moyens de faire du néoclassique parce que les synthés sont encore très très présents, ce qui n'a pas été forcément le cas plus tard. On va écouter des extraits de l'album Silentia qui était sorti l'année suivante en 2007, notamment un autre morceau qui nous a ramené, le morceau d'Essence. Tout à fait, un morceau, alors pareil, le petit coup de cœur, hein. Je vais vous laisser découvrir parce que j'ai plus grand chose à dire, à part que voilà, ce que je voulais ajouter sur ce groupe, c'est qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord, Stéphane et moi, sur des petits détails, mais c'est un groupe finalement voilà qui a plusieurs visages, qui peut parler à beaucoup de monde. C'est c'est un groupe à découvrir si ce genre de musique vous interpelle. Après, à chacun de se faire une opinion et ça rentre en résonance avec nos cadres de référence. Hein. Voilà, c'est personnel, c'est ça leur petite magie à eux. Et vous pouvez nous dire ce que vous en pensez sur internet, bien entendu. Pour le moment, on écoute Descence de Life's Decay. sais quoi dire sur la mort. La mort, c'est rouge, et puis c'est bleu, et puis c'est froid. Et par-dessus tout, ça devient un silence. Clair, obscur. Ah là là là là, ça nous apprendra à faire des rétrospectives sur des groupes qu'on aime. On avait prévu de vous passer deux morceaux supplémentaires, mais à force de parler, eh bien, on a été obligé d'amputer notre playlist. À l'instant, c'était Etes, un extrait du dernier album sorti le mois dernier du groupe Life Decay. L'album s'appelle Disrieuse, et c'était enchaîné juste avant avec Descence, un morceau que de l'album Silentia que Nathalie nous avait ramené. D'ailleurs, tout à l'heure, on ironisait sur la consonance des noms des titres des morceaux ainsi que des noms des albums. Avec le temps, ce sont devenus des noms sans signification particulière qui évoquent plus des ambiances musicales, des ambiances tout court d'ailleurs, plutôt que des mots avec des significations particulières. Voilà, c'était une rétrospective sur le groupe Life Decay. Alors, que peut-on augurer pour l'avenir du groupe? Eh bien, peut-être qu'un jour ils fassent des concerts, parce que pour le moment ils s'y refusent, et en tout bien tout honneur, c'est bien dommage. Ils ont leur raison que je respecte, mais en attendant ils font chier. Moi, on serait les premiers pied devant et y aller. Là. Je serais vraiment surpris de voir ce que ça donne sur scène. Ils ne sont pas fermés à l'idée, mais espérons que ça viendra un jour. Et ensuite, espérons aussi qu'ils n'aient pas un jour du mal à se renouveler, parce que c'est le risque artistique qu'ils ont pris avec une démarche aussi personnelle. Et espérons qu'ils n'en arriveront pas à tourner en rond. Mais j'ai confiance en leurs capacités, qui n'ont pas été démenties depuis quelques années, à faire des choses encore surprenantes. Voilà, c'est fini pour Live Decay. On vous en passera encore un de ces jours. Faites-nous confiance, mais pour le moment, on va très très rapidement parler des concerts de ce week-end avec l'association SAD à Montpellier, qui fait une soirée samedi 19 à un endroit qui s'appelle Le Dolce, et durant laquelle vous pourrez acheter la compilation dont on vous parlait en début d'émission, Societatis Draconistrorum, sur lequel vous pourrez retrouver des tas de groupes intéressants de la région, de France et de Navarre, du reste, dans les courants Cold Wave et New Wave. C'est organisé donc par l'association SAD. C'est une des premières soirées qu'ils organisent. Ils vont en organiser d'autres. Vous en faites pas. Sinon, les trois nanas du groupe glam Candy Apple Red feront deux concerts. Un à 7 au New Capricorn demain jeudi soir. Et un autre dimanche à l'Antirouille à Montpellier. Et enfin, à Marseille, vous aurez un groupe de garage punk à l'Entropie. Et le groupe, c'est The Meat Arts. Tout est dans le nom. Voilà. Comme d'habitude, on va se quitter avec un morceau un petit peu décalé par rapport à nos playlists. Et ce soir, Nathalie, c'est toi qui dis colle. Oui, c'est moi qui m'y colle avec un grand plaisir, parce que je vous ai ramené Mylène Farmer avec le morceau Déshabillez-moi. Donc c'est le titre du morceau, je précise. Une reprise de Juliette Gréco. Tout à fait. Et là, c'est un live issu d'un vieux CD que j'ai depuis des années. Donc c'est un de ses premiers lives à Bercy. Elle était encore toute rouquine et toute petite. Et maintenant, c'est vrai qu'elle a quand même changé au niveau esthétique. Donc je vous laisse écouter ça et je vous dis bonne nuit. À la semaine prochaine. Déshabillez-moi.